1. Je ne lis pas souvent les articles. Je veux connaître les informations importantes et rapidement. 2. Parfois, je ne lis pas les articles. Je regarde seulement les photos. 3. Il n'y a pas de couleur dans mon journal. C'est un peu triste. 4. Je le lis depuis que je suis très jeune. Les vêtements, c'est ma passion. Regarde cette robe. Elle est magnifique. 5. Cette semaine, il parle du nouveau livre d'Aurélie Tardy. Je vais l'acheter, ça a l'air passionnant. 6. J'achète le journal tous les jours. Je le lis le matin en général avant d'aller travailler.